Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. Ben, les Saguenay-Chicoutimi hier ont remporté une belle victoire de 5 à 0 contre le Phoenix de Sherbrooke hier au Centre Georges Vézina. Jérémy Fortin de Dolbeau-Missassini a marqué un but. Il y a également Samuel Hood et Hendrix Lapierre qui ont marqué chacun un but, deux passes. Il y a Justin Ducharme qui a un but également dans la rencontre. Maintenant, on va parler du club de golf de Saint-Prime. Hier, on a fait le bilan de l'année avec le président du club de golf de Saint-Prime, Martial Bouchard. Et ça a été une année très, très satisfaisante au club de golf de Saint-Prime. Explique le président. Ici, là, ouais. On a suivi, par contre, nos états financiers mensuellement. Puis, on est très content de l'année qu'on a passée, autant au niveau des revenus qu'au niveau du contrôle des dépenses, qui était assez serré. Donc, des résultats qu'on a eu l'année passée, là, c'est sûr qu'on va être très loin de ça. Le président du club de golf de Saint-Prime, Marcel Bouchard, explique que les golfeurs de Saint-Prime ont bien fait lors des différentes compétitions. Écoute, on se mesure souvent à des clubs là, qui ont 35-40 joueurs qui sont dans le 2A, alors que nous autres, on fonctionne avec 3-4 joueurs qui compétitionnent dans le 2A. Ce qui fait que bien souvent, c'est nos A qui compétitionnent avec le 2A, donc c'est un petit peu plus difficile là, quand on parle d'interclub, mais on a eu quand même là au niveau des finales régionales des gens qui se sont démarqués, notamment dans le 2B, dans le A. Okay. Donc, ça a été une bonne année. Je pense que le domaine d'accident doit être fier des gens qui performent sur le plan régional. Puis au niveau de nos juniors aussi, il y a eu des belles surprises. Sarah Maud, ouais, entre autres, qui était deuxième au championnat du Québec. Donc, on voit que ça pousse. Puis je pense que c'est des gens qui donnent l'exemple puis qui vont inciter les gens à s'investir encore plus dans ce sport-là, qui est quand même un sport magnifique. Dans ce dernier temps, Marcel Bouchard explique aussi qu'est-ce qu'on entend faire au club de golf cet automne. Un petit peu de manicure sur le terrain. Ouais, là. Préparation surtout pour la saison 2019. Donc on se met vraiment en hiver là, pour être sûr que le terrain soit le mieux présentable, parce qu'on sait que le début de l'année était très difficile au niveau de la condition de nos verres. On a repris quand même assez rapidement le dessus, mais c'était vraiment pas beau à voir quand ça sortit. Donc là, avec l'agronome, on a travaillé beaucoup sur certains éléments qu'on pourrait peut-être prévenir ce qui nous est arrivé un peu le printemps passé. Mais il reste que on a beau faire tout ce qu'on veut, Dame Nature va tout. Rencontré lors de la conférence de presse pour dévoiler les grandes lignes de la grande marche qui sera présentée le 20 octobre prochain, le maire de Dolbeau-Missassini, Pascal Cloutier, a bien voulu parler du dossier de la piscine pour savoir où en est rendu le dossier. Ben là, on est allé en appel d'offres, malgré le fait, là, on le sait, on en a parlé, que oui, un dépassement de coût de 3 millions dans le projet. Ce 3 millions-là n'est pas attaché présentement final. On a eu des bonnes discussions avec M. Couillard. Évidemment, on parlait d'élections. Aujourd'hui, les élections sont faites. Donc ça, c'est un dossier qu'il faut voir terminer. Mais le reste du dossier, là, je pense qu'au niveau des besoins, toutes les organisations ont été rencontrées. Donc là, on parle vraiment de refaire le gymnase en neuf et le gymnase neuf, ainsi qu'une piscine annexée. Donc ça va bien, mais il y a le financement qui reste. Tout a mentionné à dernier temps qu'il y aura 1 million à trouver dans le milieu à titre de campagne de financement, et parce que tout est très confiant de réussir cet objectif. D'environ 1 million. Et 1 million en campagne de financement. Donc ça, on fait affaire avec une firme, BNP Performance, qui est tout spécialisée là-dedans. Donc, qui nous garantit que, selon des sondages qu'on fait, c'est que c'est un projet qui est vendu d'avant. On fait de la piscine au niveau de la MRC, c'est très populaire. Donc, on pense vraiment que ça, c'est selon ce qu'eux nous ont donné. Ils ont déjà fait d'autres campagnes de financement. J'invite donc à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs intervenants dans le monde du sport, entre autres table ronde sur les séries dans le baseball avec Jacques Doucet et Bruno Boudreau. On s'est également entretenu avec le joueur de football natif de Dolbeau-Mistassini qui joue avec les Gaillards de Jonquière, William Saint-Pierre. On a fait également le bilan du club de golf de Saint-Prime avec Martial Bouchard. Le sport local et régional à danadosport.com. On s'en occupe.